chantons la vie, chantons l'amour. Chantons la nuit, chantons le jour. Chantons ensemble pour la liberté. Et chantons tous pour l'humanité. Chantons la vie, chantons l'amour. Chantons la nuit, chantons le jour. Chantons tous pour la fraternité. Un cœur pour mieux s'aimer. Chaque jour les chansons nous apportent un petit bruit qui nous transporte. L'univers est une chaleur pour nous donner un peu de bonheur. Qu'il soit tout heure, interprète ou musicien, nous amène chaque main dans la main. D'une farandole vers une ronde qui rend les femmes folles. Chantons la vie, chantons l'amour. Chantons la nuit, chantons le jour. Chantons ensemble pour la liberté. Et chantons tous pour l'humanité. Chantons la vie, chantons l'amour. Chantons la nuit, chantons. Du papier nous donne envie à chacun de chanter, pouvoir exprimer notre grande joie, d'être heureux de pouvoir chanter pour toi. Et dans la musique des paroles résonnent à nous comme des symboles. Toutes les femmes se mettent à se met à chanter. Chantons la vie, chantons l'amour. Chantons la nuit, chantons le jour. Chantons ensemble pour la liberté. Et chantons tous pour l'humanité. Chantons la vie, chantons l'amour. Chantons la nuit, chantons le jour. Chantons un cœur pour mieux s'aimer. Toutes ces belles chansons nous font rêver. Chacun, chacune n'arrête pas de danser. Elles nous entraînent jusqu'au petit matin. Dans notre lieu, notre chemin. Et d'un coup, un baissant sourire. Toutes les femmes deviennent câlines. L'âme de la joie et de la douceur qui fait chanter et vibrer leur cœur.